La différence entre l'amour religieux et l'amour mondain. Cheikh Abu Maryam El-Mekhlef. L'amour dans la religion est l'amour pour la religion des gens, c'est-à-dire pour leur appartenance religieuse. Si cet amour est pour l'islam et pour les musulmans, elle sera une obligation. Quant à celui qui n'aime pas l'islam et les musulmans, il n'est pas musulman. Et celui qui aime la religion des idolâtres et aime les idolâtres comme il aime les musulmans, ou les aime plus que les musulmans similairement, il n'est pas musulman. Ceci est l'amour religieux, et rentre dans l'amour religieux le fait de considérer musulman celui qui adore un autre qu'Allah. Celui qui considère musulman celui qui adore un autre qu'Allah aura par conséquent authentifié leur religion et les aura aimés comme on aime les musulmans. Alors que l'islam n'est pas valide sans la haine de l'idolâtrie et de ses adeptes. De la même façon, rentre dans l'amour religieux le fait d'aimer les musulmans et d'avoir pour croyance qu'ils appartiennent à la vraie religion. Quant à celui qui croit qu'ils ne sont pas musulmans, en sachant qu'ils ont réellement réalisé l'islam, celui-là n'aura pas réalisé l'islam. Par conséquent, l'islam se réalise avec l'amour des musulmans et avec la croyance que leur religion est vraie et authentique. Concernant l'amour mondain, il est certes permis à un musulman d'aimer sa famille idolâtre d'un amour mondain, à condition que cet amour ne soit pas lié à la mécréance ou à la désobéissance à Allah. Le Très-Haut dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 9, verset 24. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Sourate 2, verset 165. Il est indispensable pour le musulman qu'Allah, son messager et les croyants lui soient plus chers que toute chose. Et s'il aime une chose de ce bas monde, qu'il soit un idolâtre ou autre, il ne lui est pas permis de l'aimer comme il aime Allah, le messager et les croyants. Le Très-Haut dit, « Tu, Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il sait mieux cependant les bien guider. » Sourate 28, verset 56. Ce verset descendit pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il désirait la conversion de son oncle Abu Talib. Dans les recueils de traditions authentiques de Bukhari, Sayyib ibn Musayyib rapporte que son père dit « Lorsque Abu Talib était en train de mourir, le messager d'Allah se joignit à lui, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya et Ibn al-Mughira était aussi présent. Il lui dit, « Ô oncle, dis la ilaha illallah, afin que je puisse me servir de cette attestation comme preuve en ta faveur auprès d'Allah. » Abu Jahl et Abdullah ibn al-Umayya et Ibn al-Mughira dirent, « Voudrais-tu renoncer à la religion de Abd al-Muttalib ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répéta incessamment l'attestation jusqu'à ce que Abu Talib dit d'appartenir à la religion de Abd al-Muttalib, et refusant de prononcer « La ilaha illallah ». Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je continuerai à invoquer le pardon pour toi tant qu'il ne me le sera pas interdit. » C'est alors qu'Allah fit descendre le verset à propos d'Abu Talib. « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. » Sourate 9, verset 113. Et il, Allah, dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Tu, Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate 28, verset 56. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, « L'amour a trois formes. L'amour naturel, comme pour la nourriture et l'eau, etc. Cela ne concerne pas la glorification. L'amour charitable et filial, comme l'amour du père pour son fils, etc. Cela aussi n'a rien à voir avec la glorification. L'amour solidaire, entre personnes qui ont des affinités, les collègues, amis, ou encore l'amour fraternel. Ces trois formes d'amour sont ce qui lie les créatures entre elles, et leur présence ne constitue pas l'associationnisme dans l'amour pour Allah, Gloire à lui. Et c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, aimait les sucreries et le miel. Il aimait les boissons froides. Il préférait la viande de l'épaule. Il aimait les femmes, préférait Aïcha aux autres. Et il aimait ses compagnons, préférait Abu Bakr aux autres. En ce qui concerne l'amour particulier, il est réservé exclusivement pour Allah. Et si l'adorateur l'éprouve pour un autre qu'Allah, il commettra l'idolâtrie qu'Allah ne pardonne pas. Cela est l'amour de l'adoration qui requiert l'humilité, la soumission, la glorification, l'obéissance et la priorité sur toutes les autres. La base est qu'il n'est pas permis d'éprouver cet amour pour un autre qu'Allah. Les idolâtres éprouvèrent cet amour envers leur fausse divinité, comme ils l'éprouvent pour Allah. Comme le dit le Très-Haut, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Sourate 2, verset 165. La vie le plus correct est qu'ils aimaient leur divinité comme ils aiment Allah, ou ils aimaient Allah de la même manière qu'ils aimaient leurs idoles. Et Allah dit concernant les croyants, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ceux qui ont la foi vouent un amour exclusif à Allah, sans rien lui associer.